sentiras rien. Donne ton corps à la science. Ces deux reins, ce serait bien pour un riche américain. Plus tard, tu verras rien. Donne ton corps à la science. Imagine ce beau foie transplanté dans un homme de loi. Donne ton corps à la science. Ses poumons et ce cœur feraient le bonheur d'un gros fumeur. Parti dans une autre galaxie. Donne ton corps à la science. Tous ses organes transplantés dans le corps d'une riche madame. Y'a rien de plus beau, crois-moi, que le total don de soi. Y'a rien de plus beau, crois-moi, que le total don de soi. Y'a rien de plus beau, crois-moi, que le total don de soi. Y'a rien de plus beau, crois-moi, que le total don de soi. Rien de plus beau, crois-moi, que le total don de soi. Y'a rien de plus beau, crois-moi.